panneaux indiquent un sens unique? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une zone de rencontre? Oui, réponse C. Non, réponse D.